Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, inshallah, on va faire une conférence assez spéciale qui ne va pas dans la série dans laquelle nous étions précédemment. Et cette conférence s'intitule « Pourquoi, quand et comment se convertir à l'islam ?» Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais essayer, inshallah, de répondre à ces trois questions. Pourquoi se convertir à l'islam? Quand se convertir à l'islam? Et comment se convertir à l'islam? La première question, c'est pourquoi? Et avant de répondre à cette question, mettons-nous d'accord sur le fait qu'il y a des choses à partir desquelles la personne elle est capable de connaître la réalité des choses. Et parmi ces choses-là, il y a la raison saine. Chacun d'entre nous a une raison, et cette faculté que les animaux n'ont pas, mais que les êtres humains ont, elle nous permet de distinguer les choses et d'être capable d'avoir un certain discernement. C'est avec ta raison, par exemple, que tu es capable de savoir avec certitude, sans aucun doute, que la moitié d'une chose est plus petite que la chose en entier. Deux personnes raisonnables ne vont pas se contredire là-dessus. Personne qui est sensé et qui est raisonnable ne va dire « Ah non, moi je ne suis pas d'accord, la moitié d'une chose, elle est plus grande que la chose en entier. » Personne ne va dire ça. Pourquoi ? Parce que notre raison à tous nous permet de connaître cette réalité et de connaître cette vérité. Et c'est à partir de la raison que l'on peut se mettre d'accord sur différents points. Et parmi ces points-là, il y a l'existence d'un créateur à ce monde. Avec notre raison, on peut déduire que ce monde a obligatoirement un créateur. Pourquoi ? Parce que si on réfléchit convenablement, on va tous être d'accord sur le fait que n'importe quel acte a besoin d'un acteur. Tout acte nécessite un acteur. Lorsque tu vois une écriture sur un tableau, tu vas dire, il y a forcément quelqu'un qui a écrit cette écriture-là, elle n'est pas venue toute seule. Lorsque tu vois une construction, un bâtiment, tu vas dire, il y a quelqu'un qui a construit ce bâtiment. Ce bâtiment n'est pas venu tout seul. Logiquement, raisonnablement, tu n'admets pas, tu n'acceptes pas qu'un bâtiment se soit construit tout seul. Tout comme tu n'acceptes pas qu'une écriture soit venue toute seule. Il y a quelqu'un qui a construit le bâtiment, il y a quelqu'un qui a écrit cette écriture-là. Lorsque tu es sur la route et tu vois des excréments d'animaux, tu te dis, il y a forcément un animal qui est passé par là, ces excréments ne sont pas venus tout seuls. Donc, n'importe quel acte a besoin forcément d'un acteur. Tout acte nécessite un acteur. Et à plus forte raison, ce monde, dans sa globalité, sa totalité, la terre, les nuages, le ciel, les animaux, les arbres, la végétation, les fruits, les légumes, les insectes, les êtres humains, l'eau qui est potable, l'eau de la mer, tout ceci n'est pas venu tout seul. Tout ceci a forcément eu besoin de qui l'a fait entrer en existence, de qui l'a créé. Donc, on est tous d'accord, si on réfléchit sainement, si on réfléchit correctement avec notre raison, on est tous d'accord sur le fait que ce monde n'est pas venu tout seul, mais que ce monde a un créateur. Et ce créateur, il ne ressemble pas à ces créatures, parce que si ce créateur ressemblait à ces créatures, alors il n'aurait pas pu les créer. Les choses qui se ressemblent ne peuvent pas se créer l'une l'autre. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas capables de créer d'autres êtres humains. Une table ne crée pas une table. Un être humain n'est même pas capable de créer un sixième doigt. Donc, si ce monde a un créateur et nous venons de le prouver juste en réfléchissant rapidement avec notre raison, il est également établi par la raison que le créateur de ce monde ne ressemble pas à sa création. Le créateur ne ressemble pas à ses créatures. Et ce créateur, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les arbres, il a créé les animaux, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité, il a créé toute chose. Pourquoi nous disons que le Créateur a créé toute chose? Parce que nous voyons que ce monde évolue. Le monde change. Il y a le jour et après il y a la nuit. Il y a la nuit et après il y a le jour. Nous-mêmes, nous changeons. Nous étions petits, nous avons grandi. Ce monde change. Et une chose qui change a besoin de qui l'a fait changer, a besoin de qui l'a fait évoluer. Nous avons donc eu tous besoin de qui nous a fait changer, et ce monde a eu besoin de qui l'a fait changer et de qui lui a donné ses différents états. Et il s'agit du Créateur de toutes choses. Maintenant, ce Créateur a des attributs. Il est tout puissant, puisqu'il a été capable de créer ce monde dans la perfection dans laquelle ce monde est, et la magnificence dans laquelle il est. Il est tout puissant. Et il a pour attribut la science, puisqu'il a créé, il sait ce qu'il a créé. Il a également pour attribut la volonté. Pourquoi ? Parce que s'il n'avait pas voulu créer ce monde, il ne l'aurait pas créé. Pour rapprocher les idées, je vais donner un exemple simple. Si une personne, on lui demande de construire une montre, de fabriquer une montre, et cette personne, elle sait fabriquer la montre, elle a la capacité physique de la fabriquer, mais elle ne veut pas la fabriquer. Alors cette montre ne va jamais être fabriquée. Pourquoi ? Parce que la personne à qui on a demandé de la fabriquer, elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas la fabriquer. Donc, pour fabriquer la montre, il faut la volonté. Mais également, il faut la science. Parce que si cette même personne à qui on demande de fabriquer une montre, elle veut la fabriquer et elle a la capacité physique de le faire, mais elle ne sait pas fabriquer une montre, comme la plupart d'entre nous, je pense. Est-ce que la montre va être fabriquée ? Non plus, parce que sans la science, cette personne ne pourra pas fabriquer cette montre. Donc pour que la montre soit fabriquée, il faut que cette personne elle ait la volonté et qu'elle ait le savoir, la science qui lui permet de fabriquer cette montre. Troisièmement, il lui faut également la capacité, la puissance. Parce que si tu demandes à quelqu'un de fabriquer une montre, et cette personne, elle veut le faire, et elle sait comment fabriquer une montre, mais elle est incapable, elle n'a pas la capacité physique de fabriquer la montre. Elle est aveugle ou bien elle est handicapée au niveau des mains. Alors la montre ne va jamais être fabriquée non plus. Pourquoi ? Parce que elle ne peut pas la fabriquer. Donc elle a beau avoir la science et la volonté, elle ne pourra pas la fabriquer si elle n'en a pas la capacité. Donc si pour une personne, afin qu'elle fabrique une montre, il est indispensable qu'elle ait trois attributs qui sont la science, la puissance et la volonté. À plus forte raison, le Créateur de ce monde a la puissance parfaite. Il a la science qui englobe toute chose et il a pour attribut également la volonté. Et c'est par cette volonté, par cette science et cette puissance que le Créateur a créé ce monde. Donc maintenant, nous sommes tous d'accord sur le fait que ce monde a un Créateur, il n'est pas venu tout seul. Et ce Créateur a des attributs de perfection. Il sait toutes choses, il est tout puissant, et il a voulu créer ce monde, et il a créé ce monde. Est-ce qu'il est suffisant de savoir cela ? Non. Ce Créateur, il nous a créés, mais pas pour rien. Il nous a créés pour une sagesse déterminée. Et nous, nous ne sommes pas capables, uniquement en utilisant notre raison, de connaître la sagesse de la création et de savoir pourquoi nous avons été créés et qu'est-ce qu'il nous incombe de faire après que nous avons été créés. C'est pour cela que le Créateur de ce monde, il a envoyé des gens parmi les êtres humains pour nous expliquer la sagesse de la création et pour nous apprendre ce que le Créateur nous ordonne et ce que le Créateur nous a interdit. Et ces gens-là, ces personnes qui ont été élues afin de nous montrer tout ceci, afin de nous apprendre ce qui est de notre intérêt pour notre vie d'ici-bas et pour l'au-delà, ces gens-là, on les appelle les prophètes. Les prophètes, ce sont donc des personnes, des êtres humains, que le Créateur, qui est Dieu, il a envoyé afin de nous apprendre ce qui est de notre intérêt pour notre vie d'ici-bas et ce qui est de notre intérêt pour l'au-delà. Ils nous ont appris ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Ils nous ont appris quel est le chemin qui mène au paradis et quel est le chemin qui mène en enfer. Il se peut qu'une personne dise « Oui, mais qui nous dit que ces gens-là sont vraiment des prophètes ?» qui nous dit que ces gens-là ne sont pas des charlatans, ne sont pas des menteurs qui ont prétendu mensongèrement être des prophètes. La réponse, elle est dans les miracles. Dieu a certes envoyé des gens pour nous apprendre et pour nous guider, et il les a appuyés par des miracles pour prouver qu'ils sont vraiment des envoyés de Dieu. C'est quoi un miracle ? C'est une chose qui est extraordinaire, qui arrive aux mains de ces gens qui prétendent être prophètes et qui vient confirmer leurs propos, qui vient appuyer leurs dires. Ces miracles sont des choses qui sont extraordinaires et qui ne peuvent pas être contrecarrées par quelque chose de semblable. Un miracle, ce n'est pas de la magie. Un miracle, ça n'est pas de la sorcellerie. Un miracle, ça n'est pas un tour de passe-passe. Un miracle, c'est une chose que les prophètes avaient et qui était extraordinaire et qui ne pouvait pas être contrecarrée par les gens, de sorte à ce que les gens aient la preuve que ces gens-là, les prophètes, ce sont réellement des envoyés de Dieu et donc ils ne sont pas venus pour rien, mais ils sont venus pour nous apprendre quelque chose. Parmi les miracles qui ont été accordés à certains prophètes, il y a des miracles qui sont connus de nos jours, comme celui qui a été accordé au prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a frappé la mer avec son bâton, et la mer, elle s'est ouverte, et il a traversé avec son peuple la mer Rouge. C'était un miracle. Tu prends toi un bâton et tu vas frapper autant que tu veux la mer, elle ne va pas s'ouvrir. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui a été accordé au prophète Moïse, et qui prouvait que le prophète Moïse était réellement un prophète. Parmi les miracles qui sont connus, il y a le miracle qui a été accordé au prophète Abraham, Ibrahim. C'est un homme qui était un envoyé de Dieu, c'était un prophète de Dieu. Il appelait les gens à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. Et des gens n'ont pas cru en lui. Ils lui ont demandé des preuves, il leur a donné les preuves, et malgré cela, ils ont voulu le tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont allumé un immense feu et ils l'ont jeté dans le feu. Le prophète Ibrahim, Abraham, après un certain temps, il est sorti du feu et il n'avait absolument rien. Il n'a pas été brûlé par le feu. Si toi, tu mets un briquet sous ta main et tu allumes, tu ne tiens pas 2 secondes. Parce que le feu, ça brûle habituellement. Mais une personne qui est complètement, tout son corps est dans le feu et qui en sort intact, c'est quelque chose qui est bien extraordinaire. Et ça prouve que le prophète Abraham était réellement un envoyé de Dieu. Parmi les miracles qui ont été accordés à certains prophètes, il y a également le miracle qui a été accordé au prophète Jésus, Isa, qui était aussi un envoyé de Dieu. Le prophète Jésus, Dieu lui a accordé de pouvoir ressusciter des gens qui étaient morts. Une fois, les gens lui ont demandé de prouver qu'il était vraiment un prophète de Dieu comme il le disait. Ils lui ont dit « ressuscite-nous quelqu'un ». Alors, le prophète Jésus a ressuscité, par la volonté de Dieu bien sûr, c'est un miracle que Dieu lui a accordé. Il a ressuscité quelqu'un. Alors, certains qui refusaient de croire en lui et qui restaient entêtés, ils lui ont dit « mais non, mais en fait, lui, il vient de mourir et ça se trouve, il n'était pas mort, il était juste évanoui. Tu nous as fait un petit tour de passe-passe. Si tu veux qu'on croie en toi, qu'on croit que tu es réellement un envoyé de Dieu et que l'on te suive, alors ressuscite quelqu'un qui est mort il y a très longtemps. Nous te demandons donc de ressusciter Sem, qui était le fils du prophète Noé. Noé avait eu plusieurs garçons, Sem, Ham, Yafith et Canaan. Après le déluge, Canaan est décédé parce qu'il n'a pas cru en son père et il restait 3 parmi ses enfants qui étaient musulmans, qui étaient croyants et qui croyaient en leur père et qui étaient dans l'arche de Noé. Et quand ils sont sortis de l'arche, eux avec les autres, les 3 enfants de Noé ont eu une descendance. Un des 3 enfants de Noé qui sont restés s'appelait Sem, fils de Noé. Les gens ont demandé au prophète Jésus, si tu es vraiment un prophète, alors ressuscite Sem, le fils de Noé. Le prophète Jésus est arrivé à côté de sa tombe et lui a dit « Je te demande de te lever par la volonté de Dieu. » C'est alors que Sem s'est levé et les gens ont vu cela. Il était à nouveau en vie et il a dit suivez-le, le prophète Jésus est réellement un prophète. Puis il est mort à nouveau. Malgré cela, il y a des gens qui sont restés entêtés et qui lui ont dit « Non mais en fait, toi tu es un grand sorcier et tu nous as fait de la sorcellerie. » Parce qu'il y a des gens, même en voyant les preuves les plus éclatantes, ils continuent à faire preuve d'orgueil et d'entêtement et à refuser d'accepter la vérité. Donc, ce monde a un créateur. Ce créateur, il a créé toutes choses et il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour rien. Et pour que l'on sache pourquoi nous avons été créés et ce que nous devons faire, il nous a envoyé des prophètes. Le premier d'entre eux, c'est le prophète Adam. Et le dernier d'entre eux, ce fut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et entre Adam et Ahmed ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un très grand nombre de prophètes. Certains ont dit qu'il y a eu 124 000 prophètes. Vous en connaissez sans doute certains. Il y a eu le prophète Salomon, Sulaiman. Il y a eu le prophète Jacob, Yaqub. Il y a eu le prophète Joseph, Youssouf. Il y a eu le prophète Job, Ayyub. Il y a eu le prophète David, Daoud. Il y a eu le prophète Jésus, Isa. Il y a eu le prophète Zacharie. Il y a eu le prophète Jean-Baptiste, Yahya. Il y a eu d'autres prophètes encore. Il y en a 25 qui sont cités dans le Coran. Et tous ces prophètes-là, qui sont des envoyés de Dieu, ils ont évidemment appelé à la même religion. Dieu ne va pas envoyer un prophète pour enseigner une chose, pour ensuite envoyer un autre prophète pour enseigner le contraire. Donc tous les prophètes ont enseigné la même croyance. Et quelle est cette croyance? C'est la suivante, adorer Dieu uniquement et ne lui associer rien. Vous devez adorer votre Créateur, celui qui est éternel, qui est tout puissant, qui sait toutes choses, qui a créé toutes choses et qui a prédestiné toutes choses. Et vous n'avez pas à adorer autre que lui. Les prophètes ont dit autre chose également. Ils ont dit, celui qui adore Dieu uniquement et qui ne lui associe rien, alors, après la mort, il sera ressuscité et il entrera au paradis. À l'inverse, celui qui a reçu le message des prophètes, mais qui a refusé de croire aux prophètes et de croire en Dieu, alors celui-là, après la mort, il sera ressuscité et il entrera en enfer. Le paradis, c'est quoi? C'est la demeure de la félicité qui n'aura pas de fin, qui sera éternelle. Et l'enfer, c'est quoi? C'est la demeure du châtiment qui n'aura pas de fin et qui sera éternelle. Les prophètes ont réellement existé. Si quelqu'un demande, oui, mais qui nous dit que ces prophètes ont réellement existé? Qui nous dit que ce ne sont pas des légendes et des fables? Qui nous dit que le prophète Mohammed a vraiment existé? La réponse est facile. Qui vous dit que Napoléon a existé? Qui vous dit que le Japon existe? Même si personne d'entre nous n'a vu Napoléon, il y a une chose qui nous permet d'avoir la certitude de certaines réalités. Tout à l'heure, j'ai parlé de la raison, mais là, je parle d'autre chose. C'est la nouvelle qui provient d'un grand nombre de gens, qui eux-mêmes l'ont entendu d'un grand nombre de gens, qui eux-mêmes l'ont entendu d'un grand nombre de gens, et ainsi de suite jusqu'à la première génération qui a témoigné avoir vu ou avoir entendu quelque chose. Comment on sait que Napoléon existait? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Est-ce que moi je l'ai vu? Non. Pourtant, personne parmi nous ne doute que Napoléon a réellement existé. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vu Napoléon étaient tellement nombreux à avoir témoigné l'avoir vu. Et ils ont témoigné donc à la génération suivante, qui ont témoigné à la génération suivante, qui ont informé la génération suivante, qui ont informé, et ainsi de suite jusqu'à notre génération, qu'il est impossible qu'une personne puisse réfuter l'existence de Napoléon. Contrairement à la rumeur. C'est quoi une rumeur? C'est une information qui s'est propagée de génération en génération, sauf qu'à la première génération, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait que deux ou trois personnes. Et ces deux ou trois personnes, ou quatre ou cinq personnes, c'est possible qu'elles se soient réunies pour inventer quelque chose et après ils ont propagé cette rumeur. Tandis que la nouvelle qui est sûre et qui n'admet pas le doute, c'est une nouvelle pour laquelle à chaque génération jusqu'à la première, il y a tellement de gens qui témoignent de cela. Et dans la première génération, des gens qui témoignent avoir vu ce qu'ils disent, qu'il est impossible qu'ils se soient accordés, qu'ils se soient réunis pour fomenter un mensonge, pour inventer quelque chose. Et donc, on ne peut pas douter de l'existence de Napoléon, même si on n'a pas vu Napoléon. Et si personne parmi nous n'est parti au Japon, on sait quand même que le Japon existe. Parce qu'il y a plein de gens qui ont vu le Japon. J'ai dit le Japon, mais ça peut être le Chili, ou le Zimbabwe, ou le Groenland. Il y a tellement de gens qui l'ont vu et qui ont témoigné à d'autres, qui ont informé d'autres, qui ont informé d'autres et qui nous ont informés que ce n'est pas possible que ce soit faux. Et de la même manière, le prophète Mohammed a réellement existé. Comment on le sait? Parce qu'un grand nombre de gens l'ont vu et ils ont informé la génération suivante, qui ont informé la génération suivante, et ainsi de suite jusqu'à parvenir à nous. Et les miracles, est-ce que ce sont des légendes? Est-ce que ce sont des fables? Ces choses que l'on raconte et qui sont extraordinaires et qui leur sont arrivées, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est la même chose. On sait que c'est une réalité et que c'est réellement arrivé. Comment? Parce qu'un grand nombre de gens l'ont vu. Le prophète Mohammed, lui aussi, a eu un grand nombre de miracles. Un jour, des gens sont venus le voir et lui ont dit « Prouve-nous que tu es un prophète ». On veut que tu nous montres un miracle, quelque chose d'extraordinaire qui montre que tu es véridique quand tu dis que tu es un envoyé de Dieu. Nous voulons que tu divises la lune en deux, que tu fendes la lune en deux. Alors, le prophète, à leur demande, et bien sûr par la volonté de Dieu, la lune s'est fendue en deux pour lui. Ils sont nombreux à l'avoir vue. Mais malgré cela, ceux qui étaient à côté de lui lui ont dit « Non, mais toi, tu nous as fait de la sorcellerie. Tu as juste fait une illusion pour nos yeux. Et nous sommes sûrs que les gens qui sont dans des contrées lointaines, ils n'ont pas vu la lune se fendre en deux. » Donc ils ont attendu que des gens viennent alors qu'ils n'étaient pas présents et ils venaient de loin. Quand ils sont arrivés, ils leur ont demandé « Est-ce que cette nuit-là, vous avez vu la lune se fendre en deux ?» Et ils ont dit « Oui, nous avons vu. » Alors, ceux qui étaient orgueilleux et entêtés et qui refusaient à tout prix d'accepter la vérité, ils ont dit « Non, mais c'est parce que Mohammed, c'est un grand sorcier, il arrive à illusionner les gens, même ceux qui ne sont pas présents. » Ceux qui sont orgueilleux, ils n'acceptent pas la vérité. Donc, nous savons à partir de là que ce monde a un créateur, que ce créateur a envoyé des prophètes et que ces prophètes sont venus avec des miracles qui prouvent qu'ils sont bien des envoyés de Dieu et ils sont venus nous enseigner ce que nous devons faire pour gagner le paradis et ils nous ont appris c'est quoi le chemin qui mène au paradis et c'est quoi le chemin qui mène en enfer. Et ils nous ont dit que la première chose à faire pour gagner le paradis, c'est quoi? C'est croire en Dieu et se soumettre à lui. Se soumettre à lui en adorant Dieu uniquement et en ne lui associant rien. Dieu, en arabe, on l'appelle Allah. Mais les prophètes n'étaient pas tous des arabes. Les prophètes, il n'y a eu parmi eux que 4 arabes qui sont Hud, Salih, Shu'aib et Mohammed. Et tous les autres prophètes, ce n'étaient pas des arabes. Mais ils ont tous appelé, depuis Adam, Adam, jusqu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à la même religion, qui est la soumission à Dieu. Et comment on dit soumission en arabe? On dit islam. Donc l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Et l'islam, ça consiste à adorer Dieu uniquement, à ne rien lui associer et à suivre les enseignements du prophète de son temps, du prophète de son époque. Chaque communauté a eu un prophète. Et les gens devaient adorer Dieu et suivre le prophète de leur temps. Donc à l'époque du prophète Moïse, les gens témoignaient qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Moïse est le prophète de Dieu. À l'époque du prophète Abraham, les gens attestaient qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Abraham est l'envoyé de Dieu. À l'époque du prophète Jésus, les gens disaient « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu », c'est-à-dire que Dieu est unique, il n'a pas d'associé dans la divinité. Et Jésus est le prophète de Dieu. Et il ne disait pas « Jésus est le fils de Dieu ». Ça, c'est des gens qui sont venus bien après et qui se sont mis à attribuer à Dieu des associés en lui attribuant le fils. Mais Jésus lui-même, il disait aux gens « Je suis l'esclave de Dieu et son prophète. Je suis le messager de Dieu. Je suis le prophète de Dieu. » Et il n'a jamais dit « Je suis le fils de Dieu ». Et lorsqu'est arrivé le dernier envoyé de Dieu, le dernier prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens, pour gagner le paradis et pour devenir croyants, ils disaient et ils disent encore, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad, qui est le prophète de notre temps, est l'envoyé de Dieu, ou bien est le prophète de Dieu. Donc, pourquoi se convertir à l'islam? Parce que la religion de l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. C'est la seule religion qui mène au paradis. C'est la voie que Dieu agrée, comme il le dit dans le livre qu'il a révélé à son prophète, qui s'appelle le Coran. Le Coran, c'est un livre qui a été révélé au prophète Mohammed, au même titre que l'Évangile est un livre qui a été révélé au prophète Jésus, au même titre que la Torah est un livre qui a été révélé au prophète Moïse, et que les psaumes ont été révélés au prophète Daoud, David, et ainsi de suite. Et dans le Coran, dans ce livre qui a été révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous dit, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, c'est-à-dire la seule religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Et l'islam, c'est quoi? C'est de se soumettre à Dieu. C'est d'adorer Dieu et de ne rien lui associer. C'est de croire, tout d'abord, en l'existence de Dieu, en l'unicité de Dieu, en la toute-puissance de Dieu, au fait que Dieu sait toute chose de toute éternité, et que rien n'arrive si ce n'est par sa volonté et sa prédestination. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le créateur de ce monde ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Dieu a créé les anges, il n'est pas un ange. Dieu a créé la lumière, il n'est pas une lumière, puisque la lumière est une créature de Dieu. Dieu a créé les êtres humains, Dieu ne ressemble pas aux êtres humains, il n'est pas un corps comme nous. Dieu a créé le temps, il ne dépend pas du temps. Dieu a créé le ciel, il n'a pas besoin du ciel, il ne s'incarne pas dans sa création. Dieu a créé toute chose, il ne s'incarne pas dans sa création. Il ne ressemble pas à ses créatures. Et du coup, on ne peut pas l'imaginer. Pourquoi? Parce que quoi que tu puisses t'imaginer, Dieu ne ressemble pas à cela. Pourquoi? Parce que quoi que tu puisses t'imaginer, c'est forcément une créature. Quand tu t'imagines quelque chose, cette chose-là a nécessairement une couleur. Même quand tu essayes de t'imaginer rien du tout, là tout de suite, si tu fermes tes yeux, tu t'imagines le néant, tu t'imagines rien, tu vas voir du noir. Et Dieu a créé les couleurs, puisqu'il a créé toute chose. Il a créé le noir, tout comme il a créé le blanc, tout comme il a créé le vert, le rouge, le bleu. Donc il est impossible que ton imagination puisse atteindre la réalité de Dieu. Toi, tu vas t'imaginer une couleur, Dieu n'a pas de couleur, il a créé les couleurs. Quand tu vas t'imaginer quelque chose, cette chose a forcément un corps, un volume. Qui a créé les volumes? C'est Dieu qui a créé toute chose. Il a créé les volumes, il n'est pas un volume, donc tu ne peux pas atteindre la réalité de Dieu par ton imagination. Si tu t'imagines quelque chose dans ton esprit, cette chose-là a forcément une quantité, une taille, des dimensions. Qui a créé les quantités, les tailles, les dimensions? C'est Dieu. Donc tu ne peux pas atteindre la réalité de Dieu, puisque tu vas forcément t'imaginer une créature de Dieu. Quand tu vas t'imaginer quelque chose, cette chose va forcément être localisée dans un endroit, quelque part. Qui a créé les quelque part? Qui a créé les endroits? C'est Dieu. Il n'est donc pas incarné, il n'est pas localisé dans un endroit, puisque c'est lui le créateur des endroits et il existe avant les endroits. Donc, notre raison saine, elle nous permet de savoir sans aucun doute que ce monde a un créateur, que ce créateur on ne peut pas l'imaginer, que ce créateur est unique et qu'il n'a pas d'associé dans la divinité. Pour connaître plus que cela, Dieu nous a envoyé des prophètes. Et ces prophètes sont venus nous enseigner quel est le chemin qui mène au paradis et quel est le chemin qui mène en enfer, et ils sont venus nous enseigner et nous ordonner de suivre le chemin de la guidée, qui est le chemin qui mène au paradis. À partir du moment où tu sais que Dieu existe, et que Dieu a envoyé des prophètes, et que ces prophètes étaient véridiques puisqu'ils sont des envoyés de Dieu, alors il faut croire en les prophètes. Et quand les prophètes te disent qu'une chose est permise, alors tu sais qu'elle est permise. Et quand ils te disent qu'une chose est interdite, alors tu sais qu'elle est interdite, même si tu ne connais pas forcément la sagesse. Pourquoi? Parce que le prophète est véridique. Comment tu sais que le prophète est véridique? Parce qu'il a été envoyé par Dieu. Comment tu sais qu'il a été envoyé par Dieu? Parce qu'il a montré des miracles qui sont extraordinaires. Un jour, le prophète était avec 1500 parmi ses compagnons. Le prophète Mohammed, le sceau des prophètes, le dernier prophète. Il avait 1500 personnes avec lui. Ils étaient dans un endroit désertique dans lequel il n'y avait absolument pas d'eau. Ils lui ont ramené un seau avec un peu d'eau et ils lui ont dit « Il n'y a que cette eau-là. On a besoin de boire, de faire nos ablutions, mais nous n'avons pas d'autre eau que celle-là. » Alors, le prophète a mis sa main, le prophète Mohammed a mis sa main dans le seau et de l'eau a jailli d'entre ses doigts. C'est un miracle. Toi, si tu mets ta main dans un seau, il n'y a pas d'eau qui va sortir. Le prophète, de l'eau est sortie d'entre ses doigts, entre la chair et le sang et les os, et cette eau-là, elle a suffi à 1500 personnes afin qu'ils puissent boire et faire leurs ablutions. Ça, c'est un miracle. 1500 personnes, c'est un grand nombre de gens qui ont témoigné de cela, qui ont informé la génération suivante, qui eux-mêmes ont informé la génération suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette nouvelle nous parvienne. C'est donc une certitude, et il n'y a pas de doute à ce sujet. Donc après avoir su tout cela, que Dieu existe, que tous les prophètes sont des envoyés de Dieu, qu'ils ont tous appelé à la même religion. Et ça, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit. Il a dit, « Al-anbiya'u ikhwatul li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. » C'est-à-dire que les prophètes sont comme des frères qui ont un même père et des mères différentes. Ils ont un même père, c'est-à-dire que leur religion est la même. Leur croyance est la même. Mais les mères sont différentes, c'est-à-dire que les lois qui leur ont été révélées sont différentes. C'est quoi les lois? Ce sont les pratiques que nous devons accomplir. Pourquoi elles ont été différentes? Parce que Dieu crée toutes choses avec une sagesse. Et Dieu sait mieux que nous ce qui est de notre intérêt. Et il sait mieux que nous ce qui est de l'intérêt de chaque peuple en fonction de son époque. C'est pourquoi les pratiques religieuses ont été différentes en fonction des différents prophètes. Par exemple, à l'époque du prophète Adam, il fallait faire une prière par jour. À l'époque du prophète Jésus, il fallait faire deux prières par jour pour adorer Dieu. Et à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire cinq prières par jour pour adorer Dieu. Ces prescriptions-là, elles diffèrent entre les prophètes. C'est pour cela que les prophètes sont venus, pour nous enseigner justement ces choses-là. Mais leur religion, c'est la soumission à Dieu. C'est la religion de l'islam. Et ils ont tous enseigné une seule et même parole, « La ilaha illallah », c'est-à-dire « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». C'est-à-dire que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'associé dans la divinité. Il n'y a pas plusieurs créateurs. Il n'y a pas eu un Dieu de la colère et un Dieu de la joie et un Dieu de la mer et un Dieu de ceci et un Dieu de cela. Non ! Toutes les créatures ont un unique créateur qui est Allah, c'est-à-dire Dieu. Voilà pourquoi se convertir à l'islam. Parce que c'est l'unique religion qui est la religion de tous les prophètes qui mènent au paradis. Il n'y a pas d'autre voie pour aller au paradis. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, quand se convertir à l'islam? À partir du moment où la personne a su la vérité et a su ce qu'était la vérité, alors pourquoi retarder? Quand une personne est dans le faux, parce qu'elle ne croyait pas en Dieu par exemple, ou parce qu'elle démentait un de ses prophètes, et démentir un prophète revient à démentir le créateur de ce prophète qui l'a envoyé. Démentir, c'est-à-dire ne pas croire au prophète Jésus, ça revient à ne pas croire en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a envoyé le prophète Jésus, et qui l'a appuyé par des miracles. Ne pas croire au prophète Abraham, ça revient à ne pas croire en Dieu, parce que c'est Dieu qui a envoyé le prophète Abraham et qui l'a appuyé par des miracles. Et ne pas croire au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça revient également à ne pas croire en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a envoyé le prophète Mohammed en tant que prophète et qui l'a appuyé par des miracles. Donc si une personne était dans le faux et qu'elle ne croyait pas en Dieu ou qu'elle reconnaissait l'existence d'un créateur, mais c'est tout, elle refusait de croire en ses prophètes, elle refusait de croire en la véracité de ses prophètes et qu'elle a su après cela la vérité, qu'elle a su que ses prophètes étaient réellement des envoyés de Dieu et qu'elle a su que ses prophètes ont eu des miracles et qu'ils sont tous sur la même religion qui est la soumission à Dieu. En arabe, on dit islam, mais là, comme j'ai dit, la plupart des prophètes n'étaient pas des arabes, mais ils avaient tous la même religion. Cette personne, lorsqu'elle découvre la vérité, lorsqu'elle se rend compte de la vérité, alors elle embrasse cette vérité-là, sans plus tarder. Pourquoi ? Parce que les prophètes nous ont appris que pour gagner le paradis, il faut témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que le prophète de son temps, en l'occurrence pour notre temps, notre époque, le prophète Mohammed, c'est l'envoyé de Dieu et le prophète de Dieu. Qui nous dit que c'est vrai ? Comme j'ai dit, on a su que les prophètes sont véridiques de par les miracles que Dieu leur a accordés. Et quand on sait qu'ils sont véridiques, alors s'ils nous disent une chose, on y croit et on sait que c'est la vérité. Donc, quand se convertir à l'islam, à partir du moment où la personne a reçu le message des prophètes, elle se convertit à l'islam immédiatement. Est-ce qu'elle a besoin de prendre une douche ? Non, elle n'a pas besoin de prendre une douche, parce que cela ne ferait que la retarder avant de se convertir à l'islam et d'embrasser l'islam. Est-ce qu'elle a besoin d'aller apprendre l'arabe d'abord ? Non, elle n'a pas besoin d'aller apprendre l'arabe d'abord, parce que cela ne ferait que la retarder. Ça y est, si tu as su c'est quoi la vérité, embrasse cette vérité. Comment on fait pour se convertir à l'islam ? On le fait en témoignant, en attestant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, en ayant la croyance qui est conforme au sens de cette attestation de foi. Comment tu te convertis à l'islam ? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris. Un jour, il a rencontré un homme qui était un bédouin, qu'il ne connaissait pas. Il était avec ses animaux, les faisait paître. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme, « Veux-tu que je t'indique un bien ?» Cet homme lui a dit, « Oui, donne-moi un conseil, indique-moi un bien. » Alors le prophète Mohammed lui a dit, « Témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que je suis le prophète de Dieu. » C'est ça le plus grand bien que tu puisses proposer à quelqu'un, puisque c'est la clé du paradis. Mais cet homme, il ne connaissait pas le prophète. Alors il lui a dit, « Mais qui me dit que c'est vrai ?» Qui témoigne de ta véracité ? Qui témoigne que tu es vraiment le prophète de Dieu pour que je témoigne moi-même de cela ? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pointé du doigt un arbre qui était au bout de la vallée et il lui a dit « cet arbre là-bas ». Et avec sa main, il a fait signe à l'arbre de venir. « Toi, si tu appelles un arbre, est-ce que l'arbre il va venir à toi ?» Non, l'arbre il va pas bouger. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a indiqué l'arbre et il a appelé avec sa main l'arbre. Et l'arbre a traversé la vallée jusqu'à arriver auprès du prophète et de ce bédouin. Le prophète a parlé à l'arbre et lui a dit « Qui suis-je ? » L'arbre a répondu « Anta Rasulullah, tu es le messager de Dieu. » Le prophète a demandé une deuxième fois « Qui suis-je ? » L'arbre a répondu une deuxième fois, « Tu es le messager de Dieu. » Le prophète a demandé une troisième fois, « Qui suis-je ? » L'arbre a répondu une troisième fois, « Tu es le messager de Dieu. » Alors le bédouin, après avoir vu ce miracle, il a su que c'était bien la vérité, que cet homme était bien un envoyé de Dieu, et il a attesté, il a témoigné, et il a dit, « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et je témoigne que tu es le messager de Dieu. » J'ai déjà reçu plusieurs questions par mail me demandant comment faire pour se convertir à l'islam. Et c'est pour cela que j'ai choisi de faire cette conférence-là. Parce que malheureusement, nous vivons à une époque où certaines personnes propagent des mauvaises croyances ou des mauvaises idées. Et certains se sont mis à penser qu'il y a besoin de faire toute une cérémonie pour se convertir à l'islam. Et du coup, ils attendent de se préparer à je ne sais quoi. En réalité, c'est très facile d'entrer en islam. Il suffit de dire « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. » Est-ce que tu as besoin d'attendre le jour du vendredi pour aller faire cela à la mosquée devant tout le monde ? Non ! Dieu est témoin de ce que tu es. Dieu, il voit toutes choses, sans œil bien sûr, parce que Dieu n'est pas un être humain, il n'est pas un corps, il ne ressemble pas à ses créatures. Dieu entend toutes choses, comme il dit dans le Coran « Wa huwa as-sami'u al-basir ». Il entend toutes choses, sans oreille ni aucun autre organe. Parce que Dieu n'est pas un corps, il n'est pas un volume, il n'a pas besoin d'organes. Son attribut qui est l'ouïe, c'est un attribut éternel et unique. Son attribut qui est la vue, c'est un attribut qui est éternel et unique. Il n'a pas besoin de lumière pour voir, il n'a pas besoin d'œil ou de pupille ou de faisceau lumineux. Il ne ressemble pas à ces créatures. Mais si la personne a su c'est quoi la vérité, même si elle est toute seule dans le noir, dans sa chambre, qu'il n'y a aucun témoin dans les alentours, Elle n'attend pas que des gens la rencontrent. Elle n'attend pas d'aller à la mosquée. Elle n'attend pas d'aller prendre une douche. Elle se convertit. Elle embrasse la vérité. Elle embrasse l'islam immédiatement pour être au nombre de ceux qui méritent d'aller au paradis. Comment ? En disant, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Autre point, sur la question comment se convertir à l'islam, il faut savoir que le prophète Mohammed ne s'appelait pas Mahomet. Tout comme il ne s'appelait pas Mohamed, ni Mohammed, ni Mohammed, mais il s'appelait Mohammed. Or, certaines personnes ont du mal à prononcer ce nom. De par leurs origines, ils ne connaissent pas la lettre « ha » et ils ne savent pas dire « Mohammed ». Dans ce cas-là, comment peuvent-ils entrer en islam? Ils peuvent remplacer le prénom « Mohammed » par le surnom du prophète Mohammed. Comment? En disant « Abul Qasim » ou bien « Abul Qasim ». Parce que ça veut dire « le père de Al-Qasim » et il s'agissait en fait du prophète Mohammed qui avait un fils qui s'appelait Al-Qasim. Donc si quelqu'un n'est pas capable de dire Mohammed, alors au lieu de dire je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu, il dit je témoigne que Aboul Qasim, par exemple, ou Aboul Qasim est le messager de Dieu. Et ainsi, il est entré en islam. Est-ce qu'il y a besoin de connaître tout sur l'islam avant de se convertir à l'islam? Non! Rappelez-vous cette histoire avec le Bédouin. Le Bédouin ne connaissait pas les détails des prières, ni du jeûne, ni des actes obligatoires, des actes surérogatoires, de l'aumône obligatoire, du pèlerinage. Il ne connaissait rien de tout ça. Le prophète l'a appelé à la vérité, il a embrassé la vérité lorsqu'il a vu que c'était vrai. Et après, tu apprends ce que Dieu t'a ordonné et ce que Dieu t'a interdit. Pourquoi tu apprends ce que Dieu t'a ordonné et ce que Dieu t'a interdit? Parce que les prophètes nous ont annoncé que pour gagner le paradis, éternellement, il faut être musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu, en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu pour notre communauté. Et pour les communautés antérieures, en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu et que tel ou tel prophète était le messager de Dieu. Ça, c'est pour être sauvé du châtiment éternel en enfer et pour être sûr d'entrer au paradis. Il faut mourir croyant, il faut mourir musulman. Mais après, si tu veux gagner le paradis sans châtiment au préalable, si tu veux entrer au paradis sans subir un châtiment à cause d'injustices que tu aurais commises, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire preuve de piété. C'est-à-dire, il faut que tu évites toute injustice. Et c'est quoi les injustices? Les prophètes sont venus pour nous les enseigner. Tu dois accomplir tout ce que Dieu t'a ordonné et tu dois éviter tout ce que Dieu t'a interdit. Et comment faire pour accomplir tout ce que Dieu t'a ordonné et pour éviter tout ce que Dieu t'a interdit? Tu as besoin d'apprendre la science de l'islam. Tu as besoin d'apprendre un minimum, pas forcément de devenir un grand savant, c'est pas un devoir pour chacun d'entre nous de devenir un grand savant, mais chacun d'entre nous doit connaître une part qui est le minimum indispensable de la science de la religion qui nous permet de savoir qu'est-ce que Dieu t'a ordonné et qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Par exemple, Dieu nous a interdit de mentir. Mentir est un péché. Dieu nous a interdit de voler. Voler est un péché. Dieu nous a interdit de tomber dans la médisance. La médisance est un péché, qui est le fait de parler dans le dos des autres en mal. Dieu nous a interdit de frapper injustement une personne. C'est donc un péché. Ces péchés-là, ils sont connus. La plupart des gens les connaissent. Mais il y a d'autres péchés qui ne sont pas forcément connus de tout le monde. Et pour cela, nous avons besoin d'apprendre la science de la religion. Nous avons besoin d'apprendre ce que le prophète a enseigné. Et parmi ce que le prophète a enseigné, il y a le hadith suivant. Hadith, ça veut dire la parole prophétique suivante, dans laquelle le prophète a dit « Afdalul a'mal imanum billahi wa rasulih » c'est-à-dire la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son messager. Donc le plus grand, le plus haut des devoirs, c'est quoi? C'est que tu crois en Dieu et que tu crois au prophète Mohammed. En réalité, ça consiste à croire en la signification des deux témoignages qui permettent justement d'entrer en islam pour celui qui n'était pas musulman. Quand on dit « je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu », ça veut dire « je sais, je crois fermement et je reconnais que nul ne mérite d'être adoré sinon Dieu ». C'est-à-dire, nul ne mérite que l'on s'humilie à lui à l'extrême, hormis Allah. Et ça, ça implique certaines croyances, parmi lesquelles croire que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il ne ressemble pas à ses créatures, qu'il n'est pas un corps qui serait localisé dans un endroit ayant des formes et ayant des limites, car il est le créateur des formes et des limites. Ça implique également de croire que Dieu sait toutes choses, que tout a lieu par sa volonté, que Dieu est tout puissant, qu'il entend toutes choses, qu'il voit toutes choses, qu'il a pour attribut la vie. Il n'est pas mort, mais la vie de Dieu ne ressemble pas à la vie des créatures. La vie de Dieu n'est pas faite de chair, d'âme et de sang, car c'est Dieu le créateur des âmes, de la chair et du sang. Ça implique également de croire que Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures et que Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Nous, nous avons besoin de Dieu, car c'est lui notre créateur. Mais Dieu n'a besoin de personne. Il est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Tout ceci est compris dans ta parole, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il faut la prononcer tout en y croyant. Quant à la parole, je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, elle implique également certaines croyances. Et elle implique, entre autres, que tu crois et que tu reconnaisses que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est véridique en tout ce qu'il a porté à notre connaissance et en tout ce qu'il nous a transmis de la part de Dieu. Tout ce que le prophète a dit quand il nous parle de la religion, quand il nous parle au nom de Dieu, qu'il nous parle de la part de Dieu, tout ceci n'est que vérité. Et à partir de là, que l'on connaisse ou pas la sagesse des choses qu'il nous enseigne, nous avons le devoir d'y croire. Certaines choses, on en connaît la sagesse. Et d'autres, on n'en connaît pas la sagesse. Et que l'on connaisse ou pas la sagesse, on sait que c'est la vérité à partir du moment où ça vient de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc certaines personnes, parfois, ils demandent « Oui, mais qui me dit que le paradis existe réellement ? Qui me dit que l'enfer existe réellement ? Qui est parti au paradis et en enfer pour revenir et pour nous informer de ce qu'il a vu ? Personne ! Donc, qui me dit que c'est vrai ? Ou alors d'autres personnes vont dire « Mais qui me dit que la résurrection après la mort, c'est une réalité ? Qui a été ressuscité ? Nous, on n'a vu personne être ressuscité. Qui nous dit que ce n'est pas des affabulations, des fables ?» La réponse à tout cela, c'est que le prophète Mohammed, c'est celui qui nous a dit cela. Or, le prophète est véridique. À partir du moment où tu sais que c'est un prophète, alors tu sais qu'il est véridique. À partir du moment où tu sais qu'il est véridique, alors tu n'as pas le droit au doute au sujet de la véracité de l'existence de l'enfer, ou de la véracité de la réalité de l'existence du paradis, ou du jour dernier, ou de la résurrection. Même si on ne les a pas vus, on y croit parce qu'on croit au prophète Mohammed. Et on croit en tous ses frères prophètes. Et on doit suivre le prophète de notre temps, qui est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci est compris dans la parole, je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Voilà pourquoi tous les musulmans croient en l'existence du paradis. Ils croient en l'existence de l'enfer, même si on ne l'a pas vu. Ils croient en l'existence du jour dernier. C'est un jour qui va durer 50 000 ans, dans lequel tous nos actes seront exposés. Ils croient en l'existence du Sirat, le pont qui va surplomber l'enfer et qui va mener certaines personnes au paradis, alors que d'autres personnes vont tomber du pont. Et ils vont tomber où ? Ils vont tomber en enfer. À cause de quoi ? À cause de leurs péchés ou à cause de leurs égarements du fait qu'ils n'ont pas cru en Allah, qu'ils n'ont pas cru en Dieu et qu'ils n'ont pas cru en son prophète. Nous croyons également en l'existence de la balance qui aura lieu au jour dernier, qui sera présente et dans laquelle il y aura deux plateaux. Un plateau dans lequel seront pesées tes bonnes actions et un plateau dans lequel seront pesées tes mauvaises actions. Et celui qui avait plus de bonnes actions que de mauvaises actions, parmi les croyants, parmi les musulmans, il entrera directement au paradis. Et celui qui aura autant de bonnes actions que de mauvaises actions, alors il sera également épargné du châtiment de l'enfer. Il n'entrera pas au paradis parmi les premiers, mais il entrera au paradis sans châtiment. Et celui parmi les croyants, parmi les musulmans, qui aura plus de mauvaises actions, plus de péchés que de bonnes actions, celui-là est sous la volonté de Dieu. Si Dieu veut, il lui pardonne et il entrera au paradis directement. Mais si Dieu veut, il le châtie et il ira en enfer, puis, du fait qu'il est mort croyant, musulman, il sortira de l'enfer un jour ou l'autre et il entrera au paradis. Par contre, ceux qui auront que des mauvaises actions, ceux qui auront que des péchés et qui n'auront aucune bonne action, ceux qui auront que des péchés et qui n'auront aucune bonne action, ces gens-là, ce sont ceux qui n'ont pas cru en Dieu et en son prophète. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay, fa sa'aktubuha lil-ladhina yattaqun. C'est-à-dire, ma miséricorde, elle est pour tout le monde dans ce bas monde. Dieu, il accorde la miséricorde à tout le monde dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, elle est réservée à ceux qui sont morts croyants. Elle est réservée à ceux qui sont morts musulmans. Voilà pourquoi se convertir à l'islam et voilà comment se convertir à l'islam. Pourquoi se convertir à l'islam? Parce que c'est la seule religion qui mène au paradis, parce que c'est la religion de tous les prophètes. Dieu a envoyé tous les prophètes avec cette religion qui consiste à se soumettre à Dieu, à l'adorer lui uniquement et à ne pas lui attribuer d'associé et à ne pas faire ressembler Dieu à ses créatures. Donc c'est la vérité et c'est la clé du paradis. Quand se convertir à l'islam, immédiatement, à partir du moment où tu as su que c'est la vérité et que tu as reçu le message de la part des prophètes, et en l'occurrence de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as appris qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, alors on ne retarde pas, ni en attendant de prendre une douche, ni en se disant « j'attends d'en savoir encore beaucoup plus, etc. etc. » Pourquoi? Parce que le diable, son souhait, c'est que tu ne te convertisses pas. Le souhait du diable, c'est que tu restes dans l'égarement, que tu restes à refuser la foi. Et donc, il essaye de te retarder en te cherchant des excuses. Il te dit, non mais attends, t'es pas encore prêt, t'es pas encore prête, réfléchis bien, est-ce que t'es sûr, est-ce que t'as réfléchi à ce que cela va impliquer? Quelqu'un qui sait c'est quoi la vérité, il embrasse la vérité. Et après, il apprend pour s'améliorer de plus en plus, incha'Allah ta'ala. Donc, quand se convertir à l'islam? Immédiatement. Et comment se convertir à l'islam? En prononçant les deux témoignages. Et comment se convertir à l'islam? En prononçant les deux témoignages. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Donc si parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui étaient intéressées et qui voulaient savoir justement comment se convertir à l'islam, je vous invite, sans plus attendre, à répéter après moi, pour entrer en islam, l'attestation de foi. Donc dites avec moi, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. Et si la personne n'est pas capable de dire Mohammed, alors je l'invite à l'appeler par son surnom. Et donc elle dit, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et je témoigne que Aboul Ghassim est le messager de Dieu. Et c'est ainsi que la personne est musulmane. Même si elle est toute seule, même s'il n'y a pas du monde autour, même si elle n'a pas pris de douche et ainsi de suite. Et après, Inch'Allah, elle peut retémoigner, non pas pour entrer en islam parce qu'elle est déjà musulmane, mais pour que les gens sachent qu'elle est musulmane si elle souhaite que les gens le sachent. Mais elle n'est pas obligée d'informer les gens, c'est si elle le souhaite. Si elle veut, elle informe. Si elle veut le garder pour elle, elle le garde pour elle. De toute façon, Dieu, il sait ce qu'elle a prononcé et Dieu sait ce qu'il y a dans son cœur. Voilà pour cette conférence, pourquoi, quand et comment se convertir à l'islam. Donc, je vais laisser quelques minutes pour ceux qui ont des questions. Inch'Allah ta'ala, je vais y répondre. Donc, écrivez sur le chat. Et si des personnes ont des questions qui sont plutôt personnelles ou qui souhaitent avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur le mail l'islam.simplement@gmail.com. Inch'Allah, je vous répondrai. Donc, vous envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com et Inch'Allah, je vous répondrai. Et si une personne est intéressée par l'islam, mais elle a encore quelques questions et elle souhaite avoir des réponses avant de prononcer l'attestation de foi, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un mail, même en mettant son numéro de téléphone, et Inch'Allah, ta'ala, je l'appellerai en essayant de répondre à toutes ces questions. Barakallahu fikum. Maintenant, je vais lire vos questions afin d'y répondre. Alors, il y a une question. pourquoi après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu d'autres prophètes? Parce que Dieu l'a voulu. Dieu a fait qu'il y ait des prophètes à certaines époques. Le premier, c'est le prophète Adam, Adam alayhi salam. Puis, après la mort du prophète Adam, il y a eu son fils, le prophète Seth, S-E-T-H, le prophète Sheth. Quand le prophète Sheth est décédé, il y a eu, un certain temps après, le prophète Enoch, Idris. Et à cette période-là, à l'époque des trois premiers prophètes, tous les êtres humains étaient musulmans. Ils étaient tous soumis à Dieu, ils adoraient tous Dieu et ils n'associaient rien à Dieu. Ils n'adoraient pas autre que Dieu. Après la mort du prophète Idris, il y a une certaine période qui s'est écoulée sans qu'il n'y ait de prophète. Parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu l'a voulu et Dieu crée toutes choses selon une sagesse. Même si nous ne connaissons pas la sagesse. Et après la mort du prophète Idris, qui était le troisième prophète, il y a des gens qui se sont mis à mécroire. Parce que le diable, il est venu voir les gens et il leur a dit de construire des statues. Ils ont construit des statues. Ensuite, il est venu voir leurs descendants et il leur a dit, vous savez pourquoi vos ancêtres ont construit ces statues? Pour les adorer. Alors adorez-les. Et là, les gens ont commencé à mécroire. Ils ont commencé à faire... Ils ont commencé à adorer autre que Dieu et à faire ce qu'on appelle... du shirk, c'est-à-dire qu'ils ont adoré autre que Dieu. C'est là où la mécréance c'est le contraire de l'islam, c'est le contraire de la foi, c'est là où la mécréance a commencé parmi les êtres humains. Et une longue période s'est écoulée au point que, au bout d'un moment, il n'y avait plus aucun musulman sur terre. Il n'y avait plus aucun croyant parmi les êtres humains. Et là, le quatrième prophète a été envoyé et c'était le prophète Noé, le prophète Nuh. Le prophète a appelé à l'islam pendant 950 ans. Mais il n'y a que peu de gens qui ont cru en lui, malgré toute sa patience, malgré son bon comportement, malgré les miracles qui lui ont été accordés, malgré sa sagesse, parce que les prophètes avaient les meilleures des qualités qu'un être humain puisse avoir. C'était des modèles pour les gens. Ils étaient tous honnêtes, ils étaient tous véridiques. Jamais un prophète n'a menti, jamais un prophète n'a commis la fornication, jamais un prophète n'a trahi, jamais un prophète n'a trompé les gens. Et malgré son excellent comportement, comme tous les prophètes, le prophète Noé a été suivi uniquement par à peu près 80 personnes. Puis il y a eu le déluge que vous avez tous entendu parler, dont vous avez tous entendu parler. Et après, il ne restait que les musulmans, les croyants, qui étaient dans l'arche de Noé. Ils sont descendus de l'arche et ils ont eu une descendance. Et en réalité, les seuls qui ont eu une descendance parmi les 80 et quelques personnes, c'était justement les trois enfants du prophète Noé. Et c'est pour cela que nous descendons tous du prophète Noé. Parce que ce sont les seuls qui ont eu une descendance à ce moment-là. Les trois fils, Sem, Ham et Yafith, les trois fils du prophète Noé. Puis, au bout d'un moment, il y a d'autres gens qui sont tombés dans la mécréance, qui ont arrêté d'adorer Dieu uniquement, et qui se sont mis à adorer autre que Dieu. Et Dieu a envoyé d'autres prophètes. Parfois, il y avait plusieurs prophètes dans la même période, dans la même époque. Et parfois, une longue période s'écoulait sans qu'il n'y ait de prophète. Par exemple, entre l'avant-dernier prophète, qui est le prophète Jésus, et le dernier prophète, qui est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu 6 siècles qui se sont écoulés. Et Dieu a voulu que le dernier prophète, dont la loi, la charte, elle reste jusqu'au jour dernier, ce soit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comment on le sait? Parce que c'est écrit dans le Coran, qui a été révélé au prophète Mohammed, et parce que le prophète l'a dit lui-même. Il a dit, « Wa khutima biyan nabiyun », c'est-à-dire « l'envoi des prophètes a été scellé par moi ». Ça veut dire « je suis le sceau des prophètes ». Et donc, même après la mort du prophète, les gens ont pour devoir, après avoir reçu le message du prophète, après qu'il leur soit parvenu, ils ont pour devoir de croire en lui, en attestant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et que Mohammed est le messager de Dieu. Alors il y a une question qui dit, on dit que dans la tombe, on voit son lieu de l'enfer ou du paradis, mais pourquoi alors on a peur au jour J, je pense que tu parles du jour dernier, si on sait qu'on va au paradis? Ceux qui sont vertueux, au jour dernier, ils ne seront pas effrayés. Ils seront sous l'ombre du trône, ils seront nourris, vêtus, apaisés. Même si le jour du jugement va durer 50 000 années, ils ne seront pas châtiés, ces gens-là. Dieu a promis pour les vertueux, pour les pieux, la félicité. À partir du moment où ils décèdent, ils sont dans une félicité aussi bien dans la tombe qu'au jour dernier, qu'au paradis par la suite. Il y a une question, est-ce que le prophète Adam alayhi salam est aussi un messager? Oui. Il faut savoir que parmi les prophètes, il y a des prophètes qu'on appelle Anbiya Rusul, c'est-à-dire prophète messager. Et il y a des prophètes qu'on appelle Anbiya Ghayr Rusul, c'est-à-dire des prophètes non messagers. C'est quoi la différence entre un prophète messager et un prophète non messager? C'est tout simplement qu'un prophète messager est venu avec une nouvelle loi, alors qu'un prophète non messager, il lui a été révélé la même loi que le prophète précédent. Par exemple, le prophète Moïse a reçu la Torah. La Torah, dans la Torah, il y a des nouvelles lois par rapport aux prophètes qui ont été avant lui. Donc le prophète Moïse est un prophète messager. Et par la suite, il y a eu un grand nombre de prophètes qui sont venus, à qui ont reçu la révélation, qui étaient donc des prophètes, hein, qui ont appelé à l'islam, qui ont eu des miracles, mais ils transmettaient la même loi que celle du prophète Moïse, la Torah. Parmi eux, le prophète Daoud, par exemple, David, le prophète Sulaiman, Salomon et d'autres encore. Tandis, et quant au prophète Adam, alayhi salam, le prophète Adam, c'est le premier prophète. Donc forcément, c'est un prophète messager, puisque c'est lui qui est venu avec les premières lois de l'islam. Il y a une question, le temps passe-t-il vite dans la tombe? Une personne qui est dans une félicité parce qu'elle était vertueuse, elle est dans un bonheur et donc elle ne ressent pas la longueur du temps comme étant quelque chose de douloureux pour elle. Tandis qu'une personne qui est en train de se faire châtier, forcément elle ressent une douleur et elle ressent la longueur du temps. Ça c'est quelque chose que l'on peut même percevoir dans ce bas monde. Ici-bas, on observe quand quelqu'un est en train de jouer, il trouve que le temps passe très vite. Par contre, quand quelqu'un est en train d'attendre le bus ou le train ou l'avion, il trouve que le temps est très long. Donc la perception du même écoulement du temps, elle est différente entre deux personnes selon si elles reçoivent, elles sont dans un bonheur ou si elles sont dans une souffrance. Il y a une question, qu'est-ce que Isa a dit? Alors, en termes de croyance, Isa, le prophète Jésus, a appelé à la même religion que tous les autres prophètes. Il a dit donc qu'il est l'esclave de Dieu et son messager. Il a dit « adorer Dieu uniquement et ne lui associer rien ». Comme c'est écrit dans le Coran. Il n'a jamais dit « je suis le fils de Dieu ». Et en plus, le prophète Jésus a annoncé que viendra après lui un prophète qui s'appelle Ahmed. Et ceci est écrit dans le Coran. C'est-à-dire que Isa, Jésus, alayhi salam, il a dit « Et je vous annonce l'arrivée d'un prophète qui viendra après moi et qui s'appelle, d'un messager qui viendra après moi et qui s'appelle Ahmed. » Il y a une personne qui demande « Jésus, c'est qui ?» Jésus, c'est un des prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Et c'est plus particulièrement, ou plus précisément, l'avant-dernier prophète. Et le prophète Mohammed, c'est le sceau des prophètes. C'est le dernier des prophètes. Et c'est le prophète de notre communauté et que nous devons suivre. Quand je dis que nous devons suivre, en termes de croyance, nous devons suivre tous les prophètes parce qu'ils avaient la même croyance. Mais en termes de pratique et de loi, nous devons suivre le prophète de notre époque. C'est-à-dire le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On comprend donc, à partir de tout ce que j'ai dit, qu'il n'y a qu'une seule religion céleste. Il n'y a qu'une seule religion qui appelle à adorer un Dieu unique. C'est-à-dire que les autres religions qui prétendent être monothéistes, en réalité, si tu observes leurs croyances, il y a dedans de l'association. C'est-à-dire qu'ils associent Dieu à ses créatures. Quelqu'un qui dit « Dieu est unique » et après il dit « Dieu a un fils », celui-là se contredit. Or, ce qui se contredit, c'est le mensonge, et la vérité ne se contredit pas. L'islam ne se contredit pas parce que c'est la vérité. Par contre, les autres religions, ce sont du mensonge, et elles n'ont pas été enseignées par les prophètes, mais ce sont des gens qui sont venus falsifier les textes qui ont été révélés par les, qui ont été révélés aux prophètes, et qui sont venus par la suite falsifier les textes. Quelqu'un qui dit « Dieu est tout-puissant » et après il dit « Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e il est parti se reposer », celui-là se contredit, celui qui est tout-puissant n'a pas besoin de se reposer. Donc on voit bien que ces croyances-là sont infondées et elles sont contradictoires et elles ne sont pas valables, elles ne sont pas correctes et donc elles ne sont pas à suivre. La seule vérité, la seule religion à suivre, c'est la religion de l'islam et la raison saine témoigne de la véracité de la religion de l'islam. Vous aurez compris que de qui je parle quand je dis ceux qui disent que Dieu a un fils ou bien ceux qui disent que Dieu se serait reposé le septième jour. Nous, les musulmans, les croyants, nous disons que Dieu a créé toute chose et il ne s'est pas fatigué. Il n'a pas eu besoin de repos, il n'a pas eu besoin de sommeil, il n'a pas eu besoin de se reposer. Pourquoi ? Parce qu'il est tout puissant et parce qu'il n'est pas un corps, il n'est donc pas sujet à la fatigue. Et c'est ce que Dieu dit dans Ayatul Kursi, qui est le meilleur verset du Coran, dans lequel il dit « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum » La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'est-à-dire Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est vivant, il ne s'anéantit pas et il n'est pas sujet à la fatigue ou au sommeil. Il y a quelqu'un qui demande si quelqu'un retarde une personne qui veut se convertir, c'est quoi le jugement ? Cette personne-là, c'est comme si elle voulait que l'autre reste sur l'égarement. Que l'autre reste dans la mécréance. Donc ça revient à approuver la mécréance. Si quelqu'un vient et te demande « Comment je fais pour entrer en islam ? Je souhaite me convertir à l'islam. » Tu n'as pas le droit de le retarder. Parce que ça reviendrait à approuver le fait qu'il reste encore une durée mécréant. Alors qu'il peut mourir à tout moment. Ça reviendrait à vouloir qu'il reste pendant une période encore sur le contraire de la foi, le contraire de l'islam. Donc, quelqu'un qui souhaite se convertir, immédiatement, on lui dit comment se convertir. C'est-à-dire, on lui dit de témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. C'est pour cela qu'un grand savant, qui s'appelle l'imam An-Nawawi, il a dit dans un de ses livres que même l'imam du vendredi, le jour du vendredi, alors qu'il fait un discours avant la prière du vendredi, pendant son discours, si un homme vient et entre dans la mosquée et lui dit « Je souhaite me convertir à l'islam, qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ?» Alors l'imam n'a pas le droit de le retarder, il n'a pas le droit de lui dire « Attends la fin de mon discours. » Mais il doit immédiatement lui expliquer comment faire pour entrer en islam en lui disant de témoigner, d'attester qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Il y a une question. Dans quelle langue peut-on faire les deux témoignages ? Tu peux les faire dans la langue que tu souhaites. Si une personne souhaite entrer en islam, il n'y a pas besoin qu'elle récite les deux témoignages en arabe. Qui plus est si elle ne prononce pas correctement les lettres en arabe ? Dans ce cas-là, elle les dit dans la langue qu'elle souhaite. Elle peut les dire en anglais, en français, en espagnol, quelle que soit la langue. Alors, une personne a écrit « J'ai des coupures, est-ce que ça vient de ma connexion ?» Non, ça ne vient pas de ta connexion, ça vient de la mienne. Alhamdoulilah, j'ai pu me rendre compte que... Donc je disais, justement, Alhamdoulilah, j'ai pu me rendre compte pendant que je parlais que parfois la connexion coupait chez moi. Donc à chaque fois, je coupais le streaming et après je le remettais en route. Et je revenais sur mes phrases pour pas que vous loupiez quelque chose. Donc, je vous annonce pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne que nous faisons des cours tous les lundis, les jeudis et les samedis sur YouTube en live, comme vous venez de voir maintenant. C'est gratuit. Dans ces cours-là, on apprend justement la science de la religion. Le lundi, on apprend c'est quoi la croyance musulmane, et c'est ce qu'il y a de plus important à savoir. Le jeudi, on apprend c'est quoi les pratiques musulmanes. Et le samedi, on apprend certaines choses que le prophète a enseignées en termes de comportement à avoir, d'éducation, de bienséance, et ainsi de suite. Donc vous êtes tous les bienvenus, bien sûr, tous les lundis, les jeudis et les samedis à 20h. Et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à l'islam.simplement@gmail.com. Et si vous souhaitez recevoir le lien du cours, quelques minutes avant le cours, par WhatsApp, il vous suffit de nous faire la demande par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Il y a une personne qui demande, est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une différence entre un converti et un musulman d'origine? Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed a dit, la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bit taqwa. C'est-à-dire, il n'y a pas un mérite supérieur pour l'arabe par rapport aux non-arabes, si ce n'est par la piété. C'est-à-dire que ce qui vous distingue les uns des autres, et qui fait que certains sont meilleurs que d'autres, c'est la piété. Et c'est quoi la piété? C'est que, tout d'abord, tu sois musulman, croyant, et ensuite que tu accomplisses ce que Dieu t'a ordonné et que tu évites ce que Dieu t'a interdit. C'est ainsi que tu deviens meilleur, et donc meilleur que les autres, en fonction de ta piété et de la leur. Donc, une personne qui est arabe ou même qui est musulmane d'origine n'a pas forcément un plus haut degré selon le jugement de Dieu qu'une personne qui s'est convertie récemment. Tout dépend de la crainte que chacun des deux a dans son cœur, la crainte de Dieu et de son application et de son attachement à obéir aux ordres de Dieu. Il y a une question, est-ce que Allah facilite après s'être converti? Alors, il faut savoir que parmi les enseignements du prophète, c'est que celui qui est croyant, chaque fois qu'il est touché par une épreuve, Dieu lui efface des péchés. Et s'il n'a plus de péché du tout, Dieu l'élève en degré. Ça veut dire qu'il aura un plus haut rang au paradis et il aura une plus grande félicité au paradis. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. C'est-à-dire, les plus éprouvés des gens étaient les prophètes. Ce sont les prophètes, puis ceux qui sont en dessous dans le degré, puis ceux qui sont en dessous dans le degré. Donc, est-ce que tu vas être facilité après être entré en islam, après t'être converti? Il est possible que tu sois touché par des épreuves, mais c'est un signe de bien. Parce que le prophète a également dit « Man yulidillahu bihi khayran yusib minhu » c'est-à-dire celui pour qui Dieu a voulu du bien, il l'éprouve ici-bas. Parce que plus tu es touché par des épreuves et tu patientes, plus tu t'élèves en degré. Et plus tu as un haut degré, plus tu seras éprouvé. Donc, accepte les épreuves et prends-les comme un bien et une miséricorde de la part de Dieu, à condition bien entendu de faire preuve de patience en ne tombant pas dans la désobéissance à Dieu suite aux épreuves, mais en étant patient et en te rappelant que c'est Dieu qui a prédestiné toutes choses et c'est Dieu qui récompense dans l'au-delà ceux qui ont fait preuve de patience. Il y a une question, Jésus était juif ou musulman? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les prophètes étaient musulmans. Jésus n'était ni juif ni chrétien, tout comme Abraham n'était ni juif ni chrétien. Et c'est aussi écrit dans le Coran. Dieu dit dans le Coran, « Ma kana Ibrahimu yahoudiyan wala nasraniya » c'est-à-dire, Ibrahim n'était pas un yahoudi, n'était pas un juif, ni un chrétien. Mais c'était un musulman qui était sur la voie de droiture. Donc je répète, et je vous invite à réécouter le cours depuis le début, si vous avez loupé le début, tous les prophètes ont appelé à la même religion. Tous les prophètes ont appelé à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. En résumé, Jésus était musulman. Il disait « adorer Dieu » et ne lui associer rien. Moïse était musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu. Il disait « adorer Dieu » et ne lui associer rien. Il disait pas « je suis le fils de Dieu, adorez-moi ». Abraham était musulman. Il disait « adorer Dieu » et ne lui associer rien. Et le prophète a résumé cela, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a résumé cela par sa parole « afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli » La ilaha illallah, c'est-à-dire la meilleure parole que j'ai dite moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Vous allez me dire, mais alors qui sont les juifs et les chrétiens? Ben, en réalité, après la mort du prophète Moïse, il y a des gens qui prétendaient suivre Moïse mais qui ont falsifié les textes de la Torah, d'abord en gardant le texte mais en falsifiant l'interprétation, et après ils ont carrément falsifié le texte même. Et ces gens-là se sont égarés. Et ils se sont mis à adorer autre que Dieu. Ils ont adoré un corps qu'ils se sont imaginé être dans le ciel et lui ont attribué les attributs des créatures. Or, le croyant, le musulman, c'est celui qui n'attribue pas à Dieu les attributs des créatures, mais qui reconnaît l'unicité de Dieu. Et pour les chrétiens, c'est pareil. Ceux qui suivaient le prophète Moïse étaient musulmans. Ceux qui suivaient le prophète Jésus étaient musulmans. Mais par la suite, des années après, il y a des gens qui ont commencé à modifier, à transformer les textes, à falsifier les textes et à attribuer à Jésus des choses fausses et à attribuer à Dieu des choses fausses. Et ces gens-là se sont égarés. Mais ceux qui ont réellement suivi ces prophètes-là étaient tous musulmans, car la religion de tous les prophètes, c'est l'islam. Dieu dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, celui qui prend, qui choisit une autre religion que l'islam, alors elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. Il y a une question, qu'est-ce que tu appelles épreuve et comment définir une épreuve? Les épreuves, c'est ce qui te touche et qui est douloureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. C'est-à-dire que le croyant, il ne cesse d'être touché par les épreuves. Et là, il cite des exemples. Il dit la maladie, les tourments, les soucis, la douleur, et même une épine, une écharde qui vient lui piquer la peau. Et pour chacune de ces épreuves, Dieu lui expie des péchés, Dieu lui efface des péchés, bien sûr, à condition que la personne patiente et qu'elle ne tombe pas dans les péchés à cause de ces épreuves. Donc, si tu perds un proche, c'est une très douloureuse épreuve. Si tu tombes malade, c'est une épreuve. Si tu as des tourments dans ta tête, tu as des soucis, tu es triste, tu es malheureux, c'est une épreuve. Si quelqu'un t'a fait du mal, il a été injuste envers toi, c'est une épreuve. Si tu t'es blessé, tu t'es coupé la peau, c'est une épreuve. Si tu es pauvre et la vie est difficile pour toi, c'est une épreuve. Toutes ces choses-là sont des épreuves et tu dois les accueillir en patientant et en te rappelant qu'Allah a prédestiné toutes choses et que la subsistance est déjà prédestinée. Et ainsi, tu seras élevé en degré, incha'Allah ta'ala. Alors, il y a une question au sujet du libre arbitre. La croyance des prophètes et la croyance des musulmans est la suivante. Nous avons un choix, nous avons une volonté. On le voit tous les jours. Quand tu prends un verre d'eau pour le boire, personne ne t'y contraint. Tu n'es pas là à mettre le verre d'eau dans ta bouche malgré toi et à essayer de retenir ta main droite avec ta main gauche en repoussant et en disant « je veux pas boire, je veux pas boire, mais l'eau elle rentre quand même dans ta bouche ». Non, tu as choisi délibérément de prendre le verre et de le mettre au niveau de ta bouche pour ingurgiter, pour avaler l'eau. Donc tu as un choix, tu as une volonté. Mais il faut savoir également que ta volonté est sous la volonté de Dieu. Ta volonté, elle est sous la volonté de Dieu. Dieu a la volonté éternelle et toute chose a lieu par sa volonté. Et ceci est résumé dans le verset du Coran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, et vous le voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. Alors, il y a une question pour laquelle j'invite la personne par rapport au paradis à me poser la question par mail, inshallah. Et j'y répondrai, inshallah. Alors, je regarde si j'ai pas loupé une question plus haut. Donc j'insiste encore, si une personne parmi vous a encore des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et Inch'Allah, je vous répondrai. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous lundi pour continuer dans la série des cours sur la croyance. En ce moment, on explique les noms de Dieu. Ensuite, jeudi, on continuera dans le chapitre de la prière. Et ceux qui souhaitent reprendre les cours depuis le début, vous pouvez accéder à la aux différentes playlists sur la chaîne YouTube. Donc vous abonnez bien sûr à la chaîne YouTube, vous allez dans la rubrique qui s'appelle Playlist, et là vous verrez qu'il y a une rubrique qui s'intitule La croyance musulmane, et là vous avez tous les cours depuis le début. Là on est à 21 cours, donc vous pouvez les reprendre depuis le début. À partir du cours numéro 1, ils sont numérotés. Également le jeudi, sur la purification et la prière, comment savoir, comment faire la prière, vous avez accès à la playlist avec tous les cours dans l'ordre, Inch'Allah. Et les cours du samedi, sur les jardins des vertus. Barakallahu fikum, merci à tous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته